Aujourd'hui, nous renouons avec un geste ancien, un tribunal d'inspiration grecque, un tribunal d'opinion. Bienvenue à cette assemblée délibérative. Ce tribunal se déroule en marge à côté de la justice institutionnelle. Ici, pas de contradictoire, pas de jugement rendu. Ceci n'est pas pour autant une fiction de procès, mais bien une scène réelle, accueillant des pensées en acte, nous servant de catalyseur pour poser cette question : comment instruire le crime d'écocide, et cela au niveau mondial. Nous sommes avec William Bourdon, Marie-Monique Robin, Barbara Glozewski, Lucas D'Ambrosio, Marine Calmet et Valérie Cabane en studio. Les crimes d'écocide s'étendent sur de vastes espaces, dans l'atmosphère ou dans les profondeurs des mers, sur des territoires frontaliers le long des fleuves. Que peut le droit face à une criminalité transnationale dont les auteurs de ces crimes sont des mafias, mais aussi des investisseurs, des banques, des multinationales et leurs sous-traitants en cascade. Face à l'épuisement des ressources naturelles, la réponse ne peut être que transnationale. Nous chercherons ici, bien sûr, à définir la spécificité du crime d'écocide. Or, nous pouvons peut-être dire que si le crime d'écocide a longtemps voyagé sous le manteau des crimes de guerre, comment le définir en temps de paix ? Comment s'en saisir pour rendre justice à ces millions de personnes victimes d'empoisonnement, de la dévastation des écosystèmes, de leurs ressources, des pollutions ? Et comment construire un nouveau droit associant le droit de l'environnement au droit de l'homme ? Le biologiste Arthur Galston, en 1970, avait cette définition : c'est la dévastation et la destruction au détriment de toute forme de vie, qu'elle soit humaine, animale ou végétale. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale comporte actuellement 4 crimes. Crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression. Mais pas le crime d'écocide. Faut-il considérer le crime d'écocide comme un crime autonome, un cinquième crime, l'inclure dans les crimes contre l'humanité? Faut-il imaginer une nouvelle Cour internationale de l'environnement? Aujourd'hui, nous rendons hommage au mathématicien et philosophe Bertrand Russell, grand ordonnateur du tribunal Russell, également connu sous le nom de Tribunal international des crimes de guerre de 1966. Ce tribunal d'opinion visait à déterminer si les États-Unis avaient ou non violé le droit international au Vietnam. Mais nous pensons aussi à Jean-Paul Sartre, à Gisèle Halimi, à James Baldwin, à Gustav Anders qui y participèrent. J'ai vu le napalm, qui est une chose horrible. 1998, docteur Owa. L'histoire immédiate, France Culture. J'ai vu les bombes au phosphore, qui est encore plus horrible. J'ai vu les produits toxiques. Bon, l'agent orange, il est difficile. Il aurait fallu faire les travaux quand nous étions là-bas. On ne sait plus. Il n'y a personne pour présenter ces enfants qui naissaient avec deux têtes que j'ai vues, moi. Nommer l'écocide, c'est faire sortir du maquis de l'indifférence, ce qui est généralement mis sur le compte de tactiques militaires. Ici, l'usage de l'agent orange par l'armée américaine. Donc, nous rappelons que la Cour pénale internationale ne peut être saisie pour des crimes commis avant sa création en 2002. Néanmoins, l'agent orange, est-ce qu'il peut être considéré comme une arme chimique et non un simple herbicide fabriqué par des sociétés américaines et pulvérisé par l'armée américaine de 1961 à 1971 ? William Bourdon, l'utilisation de ce poison comme arme de guerre était-elle interdite par le droit international avant son autorisation et son utilisation au Vietnam ? Non, elle n'était pas interdite. Il y avait déjà des conventions, évidemment, sur les armes chimiques, puisque c'est une réflexion collective qui a commencé dès la fin du 19e siècle. Mais l'assimilation d'un pesticide, si toxique soit-il, à une arme chimique, n'était pas du tout faite à l'époque. Hein. Et évidemment encore moins au moment des bombardements pendant les années 60, qui ont pris leur apogée dans les années 65-67. C'est une réflexion collective récente, et quel résultat de l'universalisation, la conviction que les pesticides, lorsqu'ils sont épandus de façon massive sur la nature, parce qu'ils provoquent des dommages massifs, systémiques, à l'égard de la nature, mais à l'égard également des populations, eh bien, ont vocation à être assimilés demain dans le regard judiciaire à des armes chimiques. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Mais je précise tout de suite que son utilisation, dans les conditions que nous avons décrites, est constituée d'une faute, ici imputable aux grandes entreprises américaines qui l'ont conçue, fabriquée et épandée disséminés sur le territoire vietnamien. Valérie Cabanès, juriste, nous vous écoutons en duplex. Qui est responsable, l'État ou les entreprises qui ont fourni ces molécules ? Ils sont tous responsables. Ils sont responsables pourquoi ? Parce que l'armée n'est pas une entité autonome. Elle est sous la direction effectivement d'un gouvernement qui libère les budgets pour cela. Donc il y a une responsabilité totalement partagée pour moi, de part surtout que finalement autant les entreprises que le gouvernement étaient au courant de la toxicité de cette molécule et a décidé quand même de l'utiliser. Marie-Monique Robin. Alors moi je voudrais vraiment pointer du doigt le rôle de ces multinationales. Je rappelle que l'agent orange, c'est un produit qui est constitué de deux herbicides, le 2,4-D et le 2,4-5-T. Les deux produits par Monsanto et pas que, Dow Chemicals également. Et que Monsanto savait très très bien que ce 2,4-5-T produisait lors de son processus de fabrication de la dioxine. Parce que c'est ça, quand on parle d'agent orange, c'est surtout ça qui est le problème. La dioxine, qui est vraiment une molécule extrêmement toxique. Or, tout indique que Monsanto savait que ce produit était extrêmement toxique parce qu'ils ont eu un accident dans une usine en 1949, dans l'usine de Nitro, en Virginie. Et ils ont eu, vraiment, quand vous parlez de cynisme, Maître Bourdon, on est bien d'accord. Ils ont donc fait un travail de suivi qu'ils ont confié à des scientifiques et leur ont demandé de suivre ces ouvriers pendant des années. Ils l'ont fait en douce, en mettant toutes les infos dans leur tiroir. Et ils ont donc constaté que les ouvriers qui avaient été donc présents lors de l'accident, et certains ouvriers sur les chaînes de fabrication, avaient beaucoup plus de cancer du foie, avaient des problèmes de reproduction, enfin des faits très très graves. Et ils l'ont donc caché à l'armée américaine. Je ne veux pas défendre l'armée américaine. Hein. Et ça, c'est très bien documenté, au tel point d'ailleurs que l'un des amiraux qui dirigeait les épandages a eu son fils qui est mort d'un cancer et a découvert comment Monsanto et Dow Chemicals, mais surtout Monsanto qui a caché ces données. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que quand en 1980, les vétérans de la guerre du Vietnam s'organisent parce qu'ils ont des cancers, parce qu'ils ont des maladies graves, eh bien, Monsanto va encore plus loin. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, on a des données qui prouvent que ce n'est pas du tout cancérigène, la dioxine, hein, n'est-ce pas ? Et donc le 2,4-5-T. Et ils vont utiliser tous ces dirty tricks, comme on dit en anglais, ces coups tordus. Ils vont en fait demander aux mêmes scientifiques, entre guillemets, qui avaient accumulé toutes ces données, de tricher avec les données, hein, c'est-à-dire de faire des études bidons. Tel jour, l'ouvrier était présent au moment de l'accident, en fait, il n'y était pas. Donc, on mélange tout le monde, ceux qui étaient exposés, ceux qui ne l'étaient pas. Et au bout du compte, on dit, il n'y a pas de problème. Mais revenons sur la question de l'usage d'agents chimiques. Qui est responsable, donc, là, lorsqu'on parle de guerre, donc l'État ou et avec les entreprises ? Ce sont uniquement les États qui sont, pour l'instant, Luca D'Ambrosio, au terme du droit international, responsables de l'utilisation de ces techniques en temps de guerre. Non, pardon, d'apporter une nuance. Maître William Bourdon. Tout le système de défense des entreprises américaines, c'est de dire c'est pas nous, c'est l'État. Et même nous sommes un prolongement de l'État. Donc une espèce de patate chaude que l'État et les grandes entreprises ne cessent de se renvoyer de façon d'ailleurs très cynique pour organiser les uns et les autres leur irresponsabilité sur le dos des citoyens. Donc il y a évidemment une responsabilité partagé. Et l'État peut pas se laver les mains non plus, à l'envers, du fait que les entreprises, évidemment mues par la rapacité et l'avidité, se prêtent, quelles que soient les modalités juridiques de leur collaboration, à des comportements qui sont des comportements massivement dévastateurs pour la nature et l'humain. Alors, ce serait évidemment une rétroactif de penser comme cela, donc c'est impossible, mais si on pense au traité de Rome et à l'article 8, est-ce que les États-Unis pourraient être condamnés ? Aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas ratifié, non seulement ils n'ont pas ratifié le statut, mais quelles que soient les administrations républicaines ou démocrates, avec des variantes dans les éléments de langage, ils font tout pour saboter l'avancée de la Cour pénale internationale. Ils interfèrent dans le choix des procureurs. Valérie Cabanès ? Jusqu'à présent, il a été considéré, je dirais c'est presque une histoire de coutume, que le droit pénal international, en tout cas la Cour pénale internationale, se focalisait sur les dirigeants politiques ou les dirigeants de guerre, donc les chefs de guerre. Les entités morales telles que les entreprises n'ont jamais été pensées comme étant possiblement concernées en fait par le droit pénal. Pourquoi ? Parce que on est effectivement face à des crimes internationaux les plus graves et que l'on recherche la responsabilité de personnes physiques et de personnes en position de supériorité hiérarchique. Mais c'est quelque chose qui fait son chemin et ça avait déjà été demandé dans les années 90 au moment de la rédaction de l'ancêtre du statut de Rome. Des États avaient demandé à ce que les entités morales telles que les entreprises puissent être poursuivies Et c'est de nouveau le cas aujourd'hui avec cette prise de conscience qu'il faut adapter le droit pénal international aux crimes contre l'environnement, puisque même Fatou Bensouda, procureur de la CPI ces cinq dernières années, a proposé effectivement de l'envisager, de rechercher la complicité d'entreprises en même temps que la complicité donc de politiques. Je pense par exemple au cas cambodgien, avec les plaintes qui ont été portées à l'encontre de Bolloré, avec une complicité d'État pour effectivement s'accaparer des terres, déporter des populations et mener des projets finalement industriels sur les territoires cambodgiens dans un contexte de corruption d'État. Donc il y a eu plusieurs plaintes depuis 2014 qui ont été portées et Fatou Bensouda a réagi justement à cela en disant il faut pouvoir aussi aller rechercher la responsabilité des entreprises. Et dans le cadre de la reconnaissance d'un crime d'écocide, c'est clairement aussi la volonté de pouvoir mettre, dans le même panier, les responsabilités des multinationales aujourd'hui qui agissent délibérément contre le climat ou l'environnement, c'est-à-dire qui savent les conséquences des activités qu'ils mènent sur le changement climatique, par exemple, ou sur la sixième extinction de masse. Et là aussi, depuis les années 70, on a de plus en plus de documentation qui nous montre que de façon interne, ces entreprises, par exemple pétrolières, étaient au courant de la réalité du changement climatique et ont même mené des campagnes climato-sceptiques pour pouvoir désinformer sur le sujet et continuer leurs activités. Et ça, c'est quelque chose qui doit cesser aujourd'hui. Je voudrais d'abord rajouter que, après l'indignation, Luca D'Ambrosio, il y a eu aussi des modifications en droit international. Que l'utilisation de l'agent orange durant la guerre du Vietnam a engendré des modifications en droit international. Il s'agit plus précisément du droit international humanitaire, c'est-à-dire de l'ensemble de règles qui régulent la guerre. Et en 76 et en 77, nous assistons donc à l'adoption de deux instruments qui visent à interdire l'utilisation d'agents comme l'agent orange ou d'autres techniques de modification de l'environnement en tant qu'arme de guerre. Et je me réfère d'une part à la convention NMOD adoptée en 1976 et d'autre part au protocole 1 à la convention de Genève de 1949, donc le protocole 1 adopté en 1977 qui interdit également les techniques de modification de l'environnement en tant qu'arme de guerre. Au tribunal d'opinion, instruire le crime d'écocide. Barbara Glozewski, qu'on peut remarquer, c'est que cette convention, elle est signée en 1976, donc après les essais nucléaires en Polynésie. Absolument, et sûrement que la mobilisation et des Polynésiens eux-mêmes, notamment du mouvement autonomiste qui était particulièrement touché par ces questions et qui a alerté les autres sur ces questions, le soutien national et international a sûrement participé à ce genre d'évolution. Et donc, il faut savoir que les essais avaient commencé en Polynésie française suite aux essais nucléaires dans le Sahara algérien. Donc, quand la France a perdu l'Algérie, elle s'est rattrapée sur la Polynésie dans les années 60. Et il y en aura, avec une interruption partielle et un changement de gouvernement, jusqu'en 96, plus de 190 d'une ampleur inconsidérés, qui ont maintenant des effets, toujours, sur la population et surtout sur les océans, a fortiori avec la montée des eaux qui s'annonce. Valérie Cabanès, est-ce qu'on peut également considérer que les essais nucléaires qui ont été menés pendant des décennies, par exemple dans le Pacifique, pourraient être aujourd'hui considérés comme un crime d'écocide ? Les essais nucléaires, partout où ils ont été menés, sont pour moi des crimes d'écocide, des crimes contre l'humanité, bien évidemment, et des crimes d'écocide, puisque au-delà de l'humanité, tout ce qui vit sur les lieux où ont été menés ces essais nucléaires aujourd'hui est pollué, est impacté ou est d'ores et déjà mort. Donc c'est une évidence. Mais fort heureusement, la responsabilité de l'État français dans ces essais, par exemple, commence à être reconnue à travers des procès qui ont cours aujourd'hui. La France a refusé la compétence de la Cour internationale de justice en 1974. Oui, sauf que à partir du moment où la France a signé et ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale en 1998, elle est donc soumise et elle doit transcrire dans son droit les crimes reconnus par la Cour pénale internationale, ce qui donne une compétence, ce qu'on appelle la compétence universelle, aux juges français pour regarder les actes de la France au regard du droit pénal international. Donc Toute la difficulté va encore être effectivement de regarder le principe de la prescription, mais dans les faits, si vous voulez, un juge français peut être saisi par des victimes des essais nucléaires, par exemple en Polynésie, et demander à reconnaître la responsabilité de l'État français comme crime contre l'humanité. Et dans le cadre des essais nucléaires et de la contamination qui existe encore sur certains atolls dans le Pacifique, je pense que les citoyens peuvent et devraient saisir la CPI. Écoutons un ancien travailleur de Polynésie. Radio Libre, France Culture 2005. Pour moi, lorsque j'ai eu ces problèmes cardiaques, le CHU de Limoges a eu la bonne idée de m'envoyer à l'IRSN, c'est l'Institut National de la Sécurité Nucléaire, de passer des tests. Et là, on a découvert que 95% de mon ADN était atteint, et ce qui équivaut à un traitement anticancéreux. Si je vous avais appliqué des rayons pratiquement au maximum, il m'a dit « vous avez une dose limite ». Eh bien, aujourd'hui, cet ADN est complètement déstructuré, et c'est bien la preuve irréfutable qu'il s'est passé quelque chose. Alors pour moi, il est clair que le seul endroit où j'ai pu avoir ce problème, c'est à Mururoa et pas ailleurs. Alors, je serais un peu naïve, mais quand les atteintes se déroulent sur un temps assez indéterminé, parce qu'elles sont incommensurables, c'est-à-dire que les crimes sont prescrits, mais les atteintes durent. Marine Calmet. Oui, il faut voir que parmi les trois critères pour la reconnaissance du crime d'écocide, il y a grave, étendu et durable. Et le terme durable permet en fait de se projeter dans le temps long, puisque justement, on peut voir venir pour les générations futures des crimes qui vont s'étendre de génération en génération. La discussion qu'il y a eu en droit français, notamment au moment de la loi climat, c'est la question de qu'est-ce que ça veut dire, durable ? Est-ce qu'on parle de générations humaines sacrifiées ou est-ce qu'on parle tout simplement des cycles vitaux de notre planète qui sont mis en danger ? Et c'est à cette hauteur-là, en fait, qu'on discute actuellement, c'est à l'échelle planétaire. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se projeter en tant qu'humain, en s'intégrant soi-même, évidemment, dans la communauté du vivant. Il y a aussi toute une dynamique globale de nos écosystèmes qui est mis en danger par ces écocides et qu'il faut prendre en considération parce que le temps humain est très différent du temps de la biosphère. Si on raisonne par exemple en tant que glacier, ce qui est en train de se produire en Arctique, la fonte du permafrost, la fonte des glaces, ça a une conséquence qui n'est pas celle des générations actuelles mais des générations futures et de l'ensemble des humains, des êtres vivants qui habitent cette planète avec nous. Donc il faut nous projeter. Barbara Glozewski. Oui, puisque il était question de réparation. La réparation, bien sûr, c'est par rapport aux dommages du passé, mais réparer, c'est aussi arriver à soigner ce qui est abîmé aujourd'hui du fait de toute cette histoire et de ce qui continue d'ailleurs au présent. Et en ce sens-là, c'est très important de signaler, puisqu'on parlait de la Polynésie française et des essais nucléaires, donc entre 1976 et 96, c'est seulement en 2012 que le gouvernement autonomiste a réussi à faire remettre la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser et à ce titre a bénéficié de pouvoir aller tous les ans à l'ONU rencontrer d'autres pays en voie donc de demande de décolonisation et qui ont tous des problèmes similaires d'écocide. Et donc, ils ont réussi en 2017 à accuser la France de crimes contre l'humanité, ce qui a été accepté avec le soutien des autres délégations, notamment de la délégation Kanak qui était là pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, Oscar Temahou a déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Sur la question des réparations, on se rappelle que le chercheur Sébastien Philippe rappelle que les atolls ont été défigurés. Ces essais souterrains ont provoqué des effondrements, des fractures de roches et des centaines de kilos de produits de fission de plutonium restent emprisonnés. Donc on parle vraiment d'une atteinte toujours en cours pour ces populations. Oui, absolument. Alors ce qui est très intéressant tout de même, c'est qu'au moment où cette plainte a été déposée à la Cour internationale comme crime contre l'humanité, il y a eu une petite pirouette de l'État français qui a signé, donc s'est engagé avec la population qui le demandait depuis très très longtemps en Polynésie française, à justement faire réparation à la fois de l'environnement et donc également de réparation vis-à-vis des victimes humaines. Des indemnisations. Des indemnisations en tant que réparation. Et dans cet engagement qui était juste avant le confinement, enfin le premier confinement de 2020, donc l'épidémie de Covid, il y avait une somme extrêmement importante sur laquelle la France s'était engagée et qui reconnaissait, qui est une façon de répondre un petit peu à cette menace internationale de blâme qui était suspendue sur la France, proposait aussi d'accepter le fait que des personnes qui sont toujours vivantes aujourd'hui, qui ont souffert de ces essais, qui ont eu des enfants et des petits-enfants, qui sont eux-mêmes contaminés aujourd'hui. Donc, prescription peut-être, mais je pose la question aux juristes. Comment considérer le fait que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération et que donc il y a des victimes aujourd'hui ? William Bourdon. L'écocide ou les catastrophes du même type provoquent des dégâts sur la santé qui ne sont pas perceptibles en temps réel. Il y a un effet retard, comme dans les scandales qui ont affecté les femmes pour des médicaments, où la perception du lien de causalité entre le facteur dommageable et le préjudice, parfois est retardée au-delà de ce que le droit peut permettre. Donc le droit s'est adapté, par exemple en considérant que c'est la date de la consolidation du préjudice qui devait être considérée comme le point de départ de la prescription, même si c'est parfois discuté, à partir duquel la prescription commence de façon effective à courir. Et puis deuxième point, de la même façon que ça existe pour les infractions financières, il y a toute une théorie qui consiste à dire comment reprocher une victime de ne pas agir alors qu'elle n'a pas la capacité personnelle, technique ou scientifique ou médicale de faire ce lien entre le fait dommageable et le préjudice. Et puis dernier point très important, le droit ne peut pas tout. Le droit n'est préventif que s'il est terriblement dissuasif. S'il n'est pas dissuasif, il ne peut pas être préventif. Si le droit de l'environnement, comme il est aujourd'hui, comme on le constate, n'est pas suffisamment dissuasif, il n'est pas préventif parce que les entreprises font les arbitrages et considèrent que, comme au prud'homme, quand il licencie massivement 100 ou 150 personnes, que le coût vraisemblable de l'externalité négative qu'ils anticipent peut être finalement très tranquillement provisionné dans le bilan, sans drame, et finalement plus avantageuse que se conformer à la loi. Donc tout ça pour dire que une des issues va être ce qui s'est passé dans l'histoire de l'amiante. C'est-à-dire que face à l'impuissance du droit à embrasser les responsabilités, la co-responsabilité doit obliger les États ou les entreprises ou de concert à créer des fonds d'indemnisation sous le contrôle des représentants des malades, sous le contrôle des ONG professionnelles. C'est ce qui s'est passé pour l'amiante et cette publicisation de l'indemnisation des grands dommages est sans doute un des chemins qu'il faudra approfondir, mais évidemment il suppose une pression citoyenne, une pression médiatique très forte, parce que c'est ce qui fait qu'à certains moments, évidemment, la volonté politique est là et aboutit à ce qui s'est passé pour les malades de l'amiante. Luca D'Ambrosio. En Italie, il y a eu un grand procès en matière d'amiante. Sur l'indemnisation, sur la création du fonds d'indemnisation, elle est sans doute utile, mais elle risque de socialiser les risques et de déresponsabiliser les entreprises. C'est pour ça que le fonds d'indemnisation, responsabilité civile, doivent aller du même pas qu'une responsabilité pénale qui soit efficace et donc dissuasive. Luca D'Ambrosio, ce qui semble important, c'est de penser justement à la question de l'anticipation. Comment expliquer cette notion, c'est-à-dire pouvoir prouver que les entreprises agissent en connaissance de cause, donc peut-être en fonction de la gravité des conséquences aussi. Je viens donc à la question de l'intentionnalité. Cette question se pose essentiellement dans le débat autour de l'intégration de l'écocide à l'échelle internationale et notamment dans le statut de la CPI. Il y a une contradiction de fond. La CPI n'est compétente que pour des crimes intentionnels et la plupart des crimes, la plupart des infractions environnementales se réalisent par négligence ou par imprudence. Alors ça, c'est une chose qui est quand même un petit peu dure de l'affirmer. Enfin, C'est un peu étonnant d'affirmer ça. Si on prend Texaco, Chevron, un certain nombre de grandes entreprises qui travaillent dans les industries extractives. Je vous donne peut-être des éléments, parce que moi, personnellement, je pense sur 30 que ans, c'est en connaissance de cause que la pollution est là. Mais je pense que justement, on peut réconcilier cette contradiction. Parce que justement, par exemple, si je lis l'article 30 de la Cour pénale, du traité de la Cour pénale internationale, qui établit les conditions de l'élément psychologique de l'infraction, c'est-à-dire de l'élément intentionnel, qui peut permettre de caractériser l'infraction. Là, c'est parce que vous considérez qu'il s'agit de personnes physiques et vous rattachez ça à l'intention de nuire. L'intention peut être aussi présumée dans certains cas. C'est-à-dire que quand des personnes physiques ou des personnes juridiques prennent des risques, justement en connaissance de cause, ou des risques qui peuvent se produire, comme dit la Cour pénale internationale, dans le cours normal des événements, eh bien, dans ce cas, on peut caractériser la faute intentionnelle, c'est-à-dire on peut caractériser l'intention de la personne qui est considérée comme responsable. Marine Calmet. Le juge pourrait tout aussi bien, sur le fondement d'études scientifiques, sur le fondement des connaissances techniques dont dispose aujourd'hui, vous l'avez dit, Monsanto ou des autres entreprises qui utilisent du poison sur notre environnement, eh bien, on pourrait tout à fait en déduire qu'ils ont connaissance de participer, voire d'être responsables d'un écocide. Marie-Monique Robin, comment prouver l'intentionnalité d'une entreprise comme Monsanto lorsque les produits sont homologués par différentes agences ? Oui, alors ça c'est une question fondamentale, mais je voudrais quand même donner un exemple concernant toujours mon entreprise favorite, n'est-ce pas ? Et donc un autre produit remarquable qui sont donc les PCB, donc fabriqués par Monsanto, c'est vraiment qu'eux, après par plein d'autres, et pendant plus de 50 ans, finalement interdit très tard, alors qu'ils savaient dès les années 30 que ce produit était se bioaccumulait déjà, et dans les graisses, on en retrouve aujourd'hui dans les ours blancs antarctiques, on en a tous, voilà, alors qu'ils sont interdits depuis 30 ans. Ce qu'ont révélé d'autres documents déclassifiés de Monsanto, 500 000 documents internes, c'est qu'ils savaient que c'était toxique. Ils ont continué à les laisser vendre ces produits, etc. Donc ils le savaient, avec un document absolument terrible qui avait été retrouvé dans ces documents déclassifiés. « We can't afford to lose $1 of business », on ne peut pas se permettre de perdre $1 de business. Donc c'est pour vous dire le cynisme, enfin, etc. Parce que vous savez, quand les produits sont évalués, c'était le cas des PCB, mais le glyphosate, par exemple, qui est un autre produit de Monsanto, les études que fournit Monsanto ne sont pas publiées dans des revues scientifiques, elles sont couvertes par le secret commercial. Ensuite, il n'y a pas d'expertise contradictoire. On sait que dans les agences, il y a beaucoup d'accointances entre ceux qui sont dans ces agences et des multinationales comme Monsanto. C'est ce qu'on appelle les portes tournantes. On passe de l'un à l'autre. Il y a plein de... Jusqu'à l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis. Ah oui, tout à fait. Dans le cas de, par exemple, du glyphosate, on sait que le directeur de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, en charge de la réévaluation du glyphosate, on le sait parce qu'il y a eu les Monsanto Papers, donc déclassification de plein de documents internes, dont les mails de ce monsieur, on sait qu'il faisait pression sur les scientifiques qui travaillaient dans l'EPA pour dire qu'il n'y avait pas de problème avec le glyphosate. Après, on sait aussi qu'il avait recours à ce qu'on appelle des ghostwriters. Ce sont des scientifiques qui existent en chair et en os, qui sont professeurs d'université et qui payent en sous-main, ça a été prouvé, documenté, enfin, etc., pour mettre leur nom sur une étude qu'a faite Monsanto et qui est complètement bidon, qui est biaisée. Hein. Donc voilà, ça c'est... Donc, sur le glyphosate, on peut repenser par exemple aux recherches de Seraldini, qui dit bien que sur le glyphosate, il n'y avait qu'un ingrédient qui est analysé et pas l'ensemble des molécules. Alors, ça, c'est encore un autre problème. C'est-à-dire que quand on demande l'homologation d'un herbicide, on ne sera homologué que ce qu'on appelle la substance active. Mais le glyphosate, par exemple, qui est la substance active du Roundup, le fameux herbicide de Monsanto, ce n'est qu'une partie de ce produit. Et on ajoute des adjuvants, des produits extrêmement toxiques qui, eux, n'ont pas besoin d'être homologués. Eh bien, il y a tout un système général et qui fait que les multinationales, comme le disait William Bourdon, ne courent aucun risque à maintenir sur le marché les produits, parce que de toute façon, elles provisionnent des sommes, c'est ce qu'a fait Monsanto et ce que continue de faire Monsanto, importantes, au cas où il y a des victimes assez courageuses ou des avocats un peu courageux qui s'élèveraient contre leurs pratiques. Mais comme c'est très rare, parce que c'est difficile, voilà. Ça se passe aux États-Unis, par exemple, en Argentine. Oui, bien sûr. Alors, sauf le jeu. En France aussi, également. Mais alors, est-ce qu'on peut prouver l'intentionnalité par le fait, par exemple, de faire obstacle à la recherche scientifique, de promouvoir des fausses données ? Est-ce que ça, ce serait prouver l'intentionnalité ? William Bourdon ? Je crois qu'il faut avoir à l'esprit le fait, comme le dit très bien Mireille Delmas-Marty, qui est une espèce de marraine intellectuelle, c'est qu'on doit dépasser les deux catégories de l'intentionnalité et de l'absence d'intention. L'irruption de la co-responsabilité, premièrement. La communication planétaire par les entreprises, depuis 25 ans, sont tombées dans une espèce de potion magique, et maintenant elles veulent nous faire croire qu'elles aussi, elles sont devenues responsables des nouvelles générations. Personne ne leur demandait. Elles n'ont pas fait spontanément. Elles l'ont fait sous la pression des consommateurs, voire parfois des fonds de pension éthiques. Mais le faisant, elles ont multiplié un droit mou, avec l'espoir d'empêcher justement l'irruption de la norme. Donc la responsabilité des juristes et des ONG, c'est de transformer tous ces engagements éthiques des entreprises, charte anticorruption, amour pour le développement durable, qui est trop souvent un amour pour le cynisme durable, et le transformer en droit dur. Donc ça veut dire quoi? Je réponds à votre question. Ça veut dire qu'entre la catégorie de l'infraction intentionnelle et la catégorie de l'infraction non intentionnelle, il y a toute une gamme de nouvelles infractions. Et vraiment, ça va être un terreau absolument passionnant, où en gros, le juge dit, vous vous êtes engagé à éviter d'être à l'origine de tels dommages. Vous aviez les moyens de l'éviter. Vous connaissiez les conséquences de l'action que vous vous apprêtiez à mener, puisque vous avez, ça rejoint ce que disait Marie Manier, tous les scientifiques, les déontologues, les expertises qui vous permettaient d'anticiper sur la nature du risque que vous allez créer. Eh bien, on se retrouve dans une forme, non pas de présomption de responsabilité, mais de responsabilité aggravée, de négligence aggravée, où on n'est pas très très loin de l'infraction intentionnelle, mais on s'écarte de l'infraction non intentionnelle. On est dans un nouvel entre-deux juridique qui est une source, qui va être un chantier formidable pour les ONG et les citoyens, et qui doit être l'origine d'une peur et d'une inquiétude, peut-être même d'une responsabilité supplémentaire pour les entreprises. Il ne suffira pas de dire « je ne savais pas que ça allait provoquer ceci ou cela » pour être exonéré d'une responsabilité par manquement d'intention. Ça, c'est très important de rappeler que c'est pour demain la nouvelle frontière juridique des combats judiciaires en France et ailleurs. Marine Calmet, donc on peut dire qu'il y a un véritable champ de bataille sur les données. Comment faire face à un certain nombre de lacunes dans les connaissances, mais aussi face à des situations où les entreprises et les États ne sont pas transparents en ce qui concerne les données environnementales qu'ils utilisent? Je pense à ce que l'on pourrait peut-être nommer un écocide made in France, les boues rouges en Méditerranée. Alors l'affaire des boues rouges, c'est effectivement une affaire très intéressante puisque l'État donne son aval dans les années 60 à un industriel pour que celui-ci se serve de la Méditerranée comme poubelle puisqu'il a eu l'autorisation de construire un pipeline et de rejeter ces boues rouges toxiques dans la Méditerranée. Alors on parle donc d'alumine pendant presque 50 ans entre 1967 et 2015. Donc nous sommes confrontés à une série d'autorisations et puis de dérogations. Mais donc c'est bien l'État qui... C'est l'État, puisque la Convention de Barcelone interdisait en fait ce type de comportement et que l'État est venu autoriser, en dérogation à la Convention de Barcelone, ce processus industriel qui était utilisé sous prétexte en fait de conserver les emplois au niveau local. Donc, soutenu d'ailleurs, il faut le rappeler quand même, par le commandant Cousteau qui à l'époque voulait ses financements de la part d'Alteo, qui a financé ses navires pour mener des expéditions, ce qui est quand même aussi truculent hein, comme petite anecdote. Et aujourd'hui, on se rend compte avec les techniques que nous avons que l'environnement local est entièrement détruit. On parle de 32 millions de tonnes de boue qui ont été déversées dans un des écosystèmes les plus riches de Méditerranée, qui constitue aujourd'hui le cœur du parc national des Calanques. C'est quand même une aberration. Évidemment, l'État ferme les yeux, et parce que l'État refuse, et c'est à de très grandes profondeurs, refuse d'aller soulever le tapis pour voir ce qui s'y passe. Et ça, c'est le cas évidemment des boues rouges en Méditerranée, mais c'était également le cas, un autre cas que j'ai vécu en Guyane française, des forages offshore au large de Total, où on parle de profondeurs dans lesquelles l'État ne peut pas aller et doit faire aveuglément confiance à Total, qui est le seul à pouvoir dire ce qui s'y passe, ce qui s'y trouve, quels sont les impacts dont il va lui-même être responsable. L'autorité environnementale française, donc rattachée au ministère de l'Environnement, ne peut rien parce qu'elle n'a pas les moyens de contrôler les dires de ses industriels. Et là, on se rend compte de l'importance d'avoir des outils juridiques à la hauteur, parce que le juge, à l'époque, aurait dû nous donner raison quand nous disions ce forage pétrolier, par exemple, en Guyane, il est incompatible avec les accords de Paris. On pouvait mesurer de manière très simple le bilan carbone de ces forages pétroliers qui, multiplier par plus de 2 le bilan carbone de la Guyane à lui tout seul. Donc le juge doit avoir des outils qui lui permettent, de cette manière-là, de se délier aussi de l'administration quand l'administration outrepasse ses droits. Donc là, on voit bien que la justice française est dans la carence la plus absolue. Il faut monter devant des justices internationales pour avoir des chances de succès. RFO, 1982, la culture de la banane. Écoutons. La culture de la banane constitue un des éléments clés de l'économie des deux départements antillais, la Martinique et la Guadeloupe. Son secteur demeure et de loin le premier poste d'exportation de ces îles, en ayant le mérite d'occuper beaucoup de main-d'œuvre et cela de façon permanente. Avec plus de 15 000 hectares, les bananeraies constituent les trois quarts des surfaces cultivées aux Antilles. Si on ajoute à cela que Martinique et Guadeloupe ont exporté en 1980 350 000 tonnes de bananes pour une valeur de 70 milliards de centimes, ce qui constitue 12 milliards distribués en salaire dans les plantations, on serait tenté de présenter cette culture comme l'or vert de cette région. Valérie Cabanès. Si on pense par exemple à l'usage du chlordécone aux Antilles, le chlordécone était, au moment où il a été autorisé aux Antilles par le gouvernement français, interdit internationalement, même les États-Unis, parce qu'ils sont souvent les derniers à se mettre des limites. La France, donc, en suivant effectivement cette directive internationale d'interdiction de l'usage du chlordécone, a considéré qu'il ne fallait pas l'utiliser en métropole, mais a créé une dérogation, donc administrative, pour les territoires d'outre-mer, et en particulier la Guadeloupe et la Martinique, pour les plantations de bananeraies. Si la Cour pénale internationale avait existé à cette époque, il est évident que... il y a une responsabilité directe du gouvernement français et donc au plus haut sommet de l'État dans l'autorisation d'utiliser une molécule qui était interdite à l'échelle internationale. Il nous faudrait aujourd'hui dissocier totalement le droit administratif du droit pénal de l'environnement. Et c'est ce qui est d'ailleurs proposé dans la réforme de la directive européenne qui est en discussion à partir du mois de décembre de 2021, cette directive 2008 sur le droit pénal de l'environnement, c'est de dire rendons-le indépendant de la réglementation administrative parce qu'il y a des activités qui portent atteinte de telle manière effectivement à l'environnement et aux droits des générations présentes et futures qu'elles ne peuvent pas être regardées ou en tout cas amoindries en fonction de dérogations qui sont prises par un État ou par un préfet et qui finalement ne respectent pas, je dirais, les grandes lignes du droit de l'environnement. Même en France, par exemple, la charte de la biodiversité est aujourd'hui adossée à la Constitution et toute la difficulté à chaque fois des juges, c'est de dire, bon, alors qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je considère que le droit administratif, dans ce cas-là, parce que le préfet a décidé que, prévaut sur la charte de l'environnement qui a pourtant une valeur constitutionnelle ? Et on voit effectivement qu'il y a une, même au niveau du Conseil constitutionnel, des questionnements permanents en se disant « Ah ben la liberté d'entreprendre ou la propriété privée sont aussi des principes constitutionnels. Alors qu'est-ce que je fais gagner ? La liberté d'entreprendre ou la protection de l'environnement ?» L'affaire Texaco-Chevron, France Info, 5 janvier 2012. Des déchets pétroliers répandus à ciel ouvert en pleine forêt amazonienne. La compagnie américaine Chevron et sa marque Texaco viennent donc d'être condamnées par un tribunal équatorien à 18 milliards de dollars d'amende, la plus forte pénalité jamais réclamée en la matière. Après presque 20 ans de procédure, voilà enfin que justice nous est rendue. Chevron Texaco, qui est toujours la deuxième compagnie américaine. Nous entamerons des procédures dans tous les pays où Chevron a des intérêts. Valérie Cabanès. Entre 1964 et 1992, la société américaine Texaco exploite les ressources pétrolières du nord-est de l'Équateur pendant près de 30 ans. Elle déverse ses résidus toxiques directement dans la forêt amazonienne. Chevron est condamné dans un premier temps par la justice équatorienne, puis la justice américaine refuse de faire appliquer la décision. Oui, c'est un revers dans le sens où on voit bien que... C'est une histoire extrêmement longue, hein, puisqu'il y a eu effectivement plusieurs procès, donc comme vous l'avez dit, en Équateur, aux États-Unis, mais même au Canada, où un juge de Calgary a dit bon, ben, je vais faire saisir les avoirs de Texaco Chevron pour pouvoir indemniser les victimes en Équateur. Et donc, au final, un tribunal d'arbitrage privé a été mis sur pied après deux décennies de procédures, qui a permis effectivement à Texaco Chevron de gagner, tout simplement, face à l'Équateur. Et là, ça montre bien que il y a un écueil et un échec même, je dirais un aveu d'échec du droit international. Si les traités bilatéraux et si les règles de l'OMC et de la Banque mondiale, avec par exemple cette possibilité de mettre sur pied des tribunaux d'arbitrage privés, avec trois juges qui sont choisis et qui sont posés à la haie et qui peuvent remettre en question plus de 25 ans de procédures à l'échelle internationale, qui fait que même les conventions, même les traités internationaux peuvent ne pas être appliqués par les États sans qu'ils puissent encourir de sanctions. Et les traités bilatéraux, c'est-à-dire des traités signés entre deux États, peuvent prévaloir dans le cadre du droit commercial sur le droit international. Et ça, c'est intolérable. Et que 30 000 victimes se plaignent de pollution engendrée par l'exploitation du pétrole, par Texaco, devenu Chevron. Luca D'Ambrosio, droit privé Exactement, contre droit national. C'est ça. L'international, en raison de sa fragmentation, c'est-à-dire de l'existence d'ordres juridiques qui ne se parlent pas entre eux, eh bien, peut permettre aux entreprises, notamment par le biais des traités d'arbitrage, d'annuler les décisions rendues à l'échelle nationale. Et voilà. Et ça c'est un résultat très décevant. Valérie Cabanès. On voit bien aujourd'hui que le droit commercial ne peut plus prévaloir sur les droits humains et sur la protection de la nature sans mettre en péril véritablement les populations civiles du monde entier. Et donc il y a un renversement des normes à opérer à l'heure actuelle. Et le cas de Texaco Chevron est exemplaire justement dans l'aberration dans laquelle nous sommes aujourd'hui en droit. Pendant 26 ans, cette compagnie a pollué délibérément parce qu'elle ne faisait aucun contrôle des fuites de pétrole, de ses pipelines, de ses puits, etc. C'est un peu la même situation que l'on retrouve dans le delta du Niger hein, à l'heure actuelle. Et elle ne peut pas être condamnée pour les agissements, je dirais la négligence, même si effectivement elle avait eu une autorisation de l'État équatorien pour pouvoir puiser du pétrole dans la forêt équatorienne. La question n'est pas là. C'est pas tant le fait d'avoir été autorisé que le fait d'avoir laissé effectivement cette pollution s'installer, de n'avoir jamais tenté d'y remédier et de refuser d'indemniser les victimes. Il y a des dizaines de milliers de cancers aujourd'hui qui sont attribués à cette pollution. Donc il faut absolument aujourd'hui que les entités morales comme les multinationales puissent être reconnues comme des sujets de droit pénal international. Marie-Monique Robin. Quand on voit la puissance des traités, des TAFTA et des multinationales, ce qu'on sait, c'est qu'il peut y avoir du dumping sur environnemental sur certains pays, profiter de seuils plus bas, de normes plus basses. Et puis si, en fin de compte, les multinationales se donnent raison parce qu'elles sont justement plus solides en termes juridiques que certains pays ou que certains États qui ne souhaitent peut-être pas d'ailleurs légiférer ou qui ont une législation plus faible. Ou un droit plus faible. Moi, j'ai travaillé particulièrement sur l'ALENA, le premier accord de libre-échange donc signé entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. C'est vraiment un traité qui a été signé et préparé dans la plus grande obscurité, c'est-à-dire pas de transparence du tout, mais c'est vrai pour le TAFTA, c'est vrai pour tous les accords de libre-échange, entre guillemets. Ils sont libres que pour les multinationales qui les rédigent, hein, je veux dire. Et très clairement, l'objectif, c'était de revoir à la baisse toutes les normes, aussi bien environnementales, sanitaires, et y compris, l'objectif, c'était qu'elles baissent aux États-Unis, parce qu'évidemment, on s'appuie vers le moins 10 ans, hein, ben, le plus bas. Et donc, c'était donc évidemment la conséquence aussi bien dans le domaine de la liberté syndicale aussi. Enfin, vous voyez, un désastre et qui s'est traduit pour ce qui est du Mexique par les premières émeutes de la faim quand même. Je rappelle que ce pays que je connais bien était un pays où on mangeait à sa faim. Alors, évidemment, il y avait de la pauvreté et tout ça, mais la première émeute de la faim au Mexique, c'est très clairement la conséquence de l'ALENA. Voilà. Et donc, je pense que ces accords de libre-échange servent les intérêts des multinationales qui, dans ce cas-là, sont tout à fait capables de s'allier, y compris quand elles produisent les mêmes produits, parce que je connais un exemple où des fabricants de PVC, le polychlorure de vinyle par exemple, dont faisait partie Monsanto et d'autres, ils se sont vraiment réunis dans une chambre d'hôtel pour dire on va cacher ce qu'on sait et on va maintenir le produit sur le marché, on va pas changer les normes d'exposition sur le lieu de travail, etc. Donc voilà, et évidemment ces lieux de contentieux privés, enfin qui qu'ils promeuvent. Parce qu'ils savent très très bien que leur puissance est telle que face à ça, les justices nationales, dans beaucoup de pays de toute façon, ne feront pas le poids. Et on est, pour moi, je considère véritablement que c'est une atteinte aux droits humains absolument énorme et qu'il faut absolument s'opposer à ces accords de libre-échange pour cette raison-là, notamment. On va parler peut-être avec vous, William Bourdon, de l'Amazonie et puis peut-être de la question peut-être du crime organisé infiltré dans des pratiques entrepreneuriales qui peuvent elles-mêmes être associées à des politiques d'État. Oui, il y a évidemment des crimes organisés à grande échelle, soutenus parfois par des États. Je pense notamment à la traite ou à l'exploitation illicite de richesses, bien sûr. Mais ici, c'est l'occasion peut-être de faire une distinction. Plus une infraction est perçue comme offensant l'humanité et comme relevant de toute l'humanité, plus elle prend une dimension internationale. Plus elle prend une dimension internationale, plus elle est traitée à l'échelon international et plus elle conduit à des nouvelles conventions internationales. Je pense notamment à la grande corruption. Ça n'en fait pas un crime contre l'humanité. Toutes les grandes infractions criminelles internationales ne sont pas toutes, et heureusement d'ailleurs, des crimes contre l'humanité. Parce qu'il faut garder sa spécificité à la crime contre l'humanité. Pas simplement parce que si on l'élargit, c'est une forme aussi de crachat pour ceux qui sont les victimes de ce que signifie la barbarie absolue. Mais ce n'est pas parce que le droit est défaillant en termes international et national qu'il faut saturer la Cour pénale internationale, ou la Cour européenne des droits de l'homme d'ailleurs, et lui demander des choses qu'elle ne peut pas faire et qu'elle ne doit pas faire. Parce que ça donne des arguments à tous les États qui détestent le multilatéralisme, qui détestent les juridictions internationales, en disant, vous voyez bien vers quoi on s'aventure. Donc, il faut rester strict sur les concepts. Et de ce point de vue, la communication qu'on a faite en vertu de l'article 15, au début de l'année dernière, donc pour deux grands chefs caciques, au bureau de la Cour pénale internationale, vise, chacun le sait, des crimes contre l'humanité tels que définis à l'article 7 du statut. Le mot écocide n'existe pas dans le statut. Il existera peut-être un jour. Mais ça ne doit pas être une obsession. Si le bureau du procureur, ce qu'il n'a pas fait pour l'instant, il y a un nouveau qui est arrivé, ouvre une enquête, et si un jour, par extraordinaire, j'espère que ce n'est pas une procédure fiction, Bolsonaro et toute sa clique sont poursuivis, jugés pour crimes contre l'humanité. La belle affaire que le mot écocide ne figure dans aucun acte de procédure. Ça restera le sous-jacent intellectuel, politique même au sens le plus noble, de la répression qui à ce moment-là s'abattra sur eux pour crimes contre l'humanité. Car dans la définition des crimes contre l'humanité que nous visons dans notre communication, le bureau du procureur a fait un saut déjà important. En actant du fait que l'exploitation illicite de ressources naturelles, le trafic d'armes, traite d'êtres humains, l'appropriation illicite de terres ou la destruction de l'environnement pouvaient être considérés comme des crimes contre l'humanité. Donc ça prouve la flexibilité du droit. Ça veut dire que quand on est magistrat qui sont un peu visionnaires et modernes, ils voient que dans la potentialité, dans la définition d'une infraction, il y a aussi des potentialités qui ne demandent qu'à bourgeonner, qu'a existé, ça existe à l'échelon national et international, et c'est ce qu'on attend du nouveau procureur de la Cour pénale internationale. Le grand chef, Kayapo d'Amazonie, Raoni, 28 janvier 2021. J'ai eu une vision. Dans cette vision, un esprit me disait, Raoni, ils tuent les animaux et les oiseaux et leurs esprits se révoltent. Je pense que la Terre va se révolter contre nous, les humains, si on ne fait rien. Je veux que vous passiez ce message au monde. Certaines ONG ont simplement constaté qu'une faction dominante et conservatrice du puissant secteur agro-industriel du pays, connue sous le nom de Ruralistas, aide à piloter le programme de Bolsonaro sur l'Amazonie. Ça pose la question de... il n'y a pas qu'une seule personne physique, il y a des complicités... On est pris dans une contradiction. Une contradiction, c'est la vie. À un moment donné, il faut les trancher, les contradictions. C'est ça, l'exercice de la responsabilité, c'est trancher les contradictions. Entre la volonté des victimes d'ONG d'être parfois maximalistes et de vouloir embarquer tout le monde, et puis l'exigence d'efficacité et de pas non plus être torpillé par une temporalité judiciaire qui serait absolument évanescente, de faire des choix. Parce qu'il faut faire des choix stratégiques, des choix de politique pénale. Parfois, on ne peut pas tout faire, et que tout faire conduit parfois à l'impuissance et à l'inaction. Donc ça, c'est très important. Et de la même façon, quand tu lances la procédure que nous avons lancée juste devant le bureau de la Cour pénale internationale, nous on vise Bolsonaro. Ensuite, c'est la responsabilité du bureau du procureur, dès lors qu'une enquête aura été ouverte, d'étendre les poursuites. Les complicités. Des complicités ou des co-auteurs. Des complicités ou des co-auteurs. Parce que la complicité, le complice, parfois, est engagé dans une responsabilité beaucoup plus grande que l'auteur. L'auteur, c'est parfois celui qui torture directement. Le complice, c'est celui qui donne les ordres. Pinochet a été poursuivi, jamais comme auteur, mais comme complice. Le complice, c'est celui qui donne les moyens de commettre l'infraction ou celui qui donne les ordres de commettre l'infraction. Donc, il est parfois, moralement, politiquement, beaucoup plus engagé que l'auteur principal. Donc, dans le cas de l'Amazonie, moi, je serais le procureur. Il faut qu'à la fin, il y ait une espèce de constellation, choisir des exécutants parmi les plus cyniques, les plus horribles, deux, trois personnes qui ont tué des grands militants de la cause amazonienne, des hauts fonctionnaires, quelques ministres, quelques directeurs d'agence. En tous les cas, une galaxie représentative de l'ensemble des étages de responsabilité. C'est ça, la responsabilité, quand on est procureur, mais également quand on est avocat et qu'il faut déposer plainte. Il faut pas avoir peur de l'assumer. On peut donc, comme ça, éviter l'irresponsabilité collective. Luca D'Ambrosio. Mais je rejoins tout à fait ce que William Boudon disait. La justice pénale internationale a été historiquement sélective. Et il est important qu'elle reste sélective, parce qu'on risque justement de si on prétend trop aussi de la part de la Cour pénale internationale ou du bureau du procureur, on risque effectivement d'avoir un effet contre-productif et de mettre en crise une institution qui est déjà en crise, car elle est attaquée en continuation par les grandes puissances mondiales et tout d'abord par les États-Unis. Il reste néanmoins que les juridictions nationales peuvent ensuite prendre le relais. C'est dans cette logique de complémentarité qu'il faut toujours envisager l'action de la Cour pénale internationale. Pas de pénal pour les multinationales ? La question justement de la reconnaissance du crime d'écocide dans le droit international, elle a une conséquence aussi très importante d'un point de vue justement des conventions qu'il peut y avoir entre États et notamment du dumping social et environnemental, parce que à partir du moment où on a une Cour pénale internationale, on a aussi une compétence dans divers États. Et je vais vous prendre un exemple de ce qui se passe en ce moment avec l'affaire des Bourouges dont on a parlé tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, il y a eu un repreneur qui a annoncé qu'il allait délocaliser la partie polluante en Guinée, là où effectivement les normes environnementales et sociales sont beaucoup plus faibles. Est-ce qu'on peut tolérer ce genre d'intention alors que sur notre territoire, nous dénonçons un écocide ? L'enjeu de reconnaître le crime d'écocide dans le droit international auprès de la Cour pénale internationale, c'est que par effet de ricochet, ensuite il faudrait que chaque État reconnaisse le crime d'écocide à l'intérieur de son droit interne, et la France pourrait dans ce cas-là avoir une compétence universelle pour aller justement juger d'entreprises qui ont ce genre d'action au niveau international. Justement, s'il y a aussi une activité sur le territoire français, on pourrait donc dire on ne peut pas tolérer ce genre de comportement ailleurs. Et je pense que ça doit faire partie aussi de nos revendications majeures en France, ce que ne permet évidemment pas la reconnaissance du délit d'écocide, petite marionnette greenwashée du gouvernement d'Emmanuel Macron dans la loi climat. On n'a pas du tout la même ampleur, la même puissance de frappe avec le crime d'écocide à la Cour pénale internationale. Vous nous dites, Maître William Bourdon, qu'il n'est pas forcément utile, c'est ça, qu'il y a un nouveau crime d'écocide, mais qu'on peut se saisir déjà du droit existant. Je dis, il faut surtout se saisir du droit existant. La société civile, les ONG, ça fait 40 ans que j'y travaille avec d'autres, parfois ont mésestimé les potentialités du droit existant, pris par une espèce comme ça d'hubris, de rêve. Il faut ceci, il faut cela. D'abord, utiliser des armes juridiques, ce qui n'est pas du tout incompatible, bien sûr, avec le fait de se battre pour que l'écocide soit reconnu comme un crime international. C'est ce que font un certain nombre de juristes, c'est ce que fait le Parlement européen. Tout ça, à un moment donné, se mariera et s'hybridera d'une façon intelligente et dynamique. Mais ça ne doit pas être une obsession. Valérie Cabanès, est-ce que vous pensez que si l'écocide pouvait être reconnu par la Cour pénale internationale, cette Cour pénale internationale pourrait faire valoir son droit contre le droit privé, le droit commercial, ou les traités, ces traités bilatéraux, ces traités commerciaux, ces traités de libre-échange ? Oui, logiquement, si vous voulez, l'intérêt de la Cour pénale internationale, avec ce principe de compétence universelle, est qu'en qualifiant justement ce qu'on appelle les crimes internationaux les plus graves, c'est-à-dire qui moralement ne sont absolument pas acceptables, quels que soient les États, les droits nationaux en vigueur, etc., elle a une puissance morale, d'une part, qui est de dire ce qui constitue des crimes de masse et qui ne sont absolument intolérables pour l'humanité tout entière. Et ensuite, elle a juridiquement ce principe de compétence universelle qui permet à des juges, même pour des États qui ne sont pas signataires de l'accord pénal international, de pouvoir se saisir de cette compétence si les États-Unis ne sont pas signataires de l'accord pénal international, mais une société américaine ou un Américain ou un président américain commet un écocide à l'étranger dans un pays qui lui est signataire, alors en posant simplement le pied dans ce pays-là ou dans un pays qui est signataire de la Cour pénale internationale, ils peuvent être jugés par les juges nationaux qui ont cette compétence de pouvoir juger des crimes internationaux les plus graves sur leur propre territoire. Ce qui veut dire que personne ne peut véritablement, ultimement, échapper à la justice pénale internationale, à moins de rester cloîtré dans son propre pays ad vitam aeternam. Et on voit très bien qu'à partir du moment où, à l'échelle planétaire, on a dépassé 4 des 9 limites planétaires connues, le changement climatique, la biodiversité, la déforestation et ce que l'on met dans les sols, alors il faut, à ce moment-là, légiférer de manière à contrôler, réguler les activités industrielles qui amplifient ce phénomène et les stopper quand on voit qu'on est déjà en zone rouge, ce qui est le cas. En France, on est dans une situation incroyable puisque on a dépassé 6 des 9 limites planétaires connues, que le gouvernement français le reconnaît puisqu'il y a un rapport du ministère de l'écologie qui est rendu sur le dépassement de ces limites planétaires, mais la France refuse de reconnaître les limites planétaires comme étant un cadre qui pourrait réguler l'activité industrielle. Avec Maître William Bourdon, avocat, Valérie Cabanès, juriste spécialisée dans les droits de l'homme et le droit humanitaire, initiatrice du mouvement End Ecocide on Earth, Marie-Monique Robin, journaliste d'investigation et auteur, Marine Calmet, juriste en droit de l'environnement et des peuples autochtones, Luca D'Ambrosio, chercheur associé à l'Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne, Barbara Glozewski, anthropologue, directrice de recherche au CNRS. Mixage, Claire Levasseur. Prise de son, François Rivalan. Documentation, Annelise Signoret. Écocide, qualifier le crime, une série proposée par Nejma Bouakra et réalisée par Thomas Duterre. Coordination, Perrine Kervran, Marivonne Abolivier.